Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Gouverner autrement, l'exemple des rois francs. Oh, certains de ces noms royaux sonnent à nos oreilles. Clovis, Dagobert, pourquoi pas. Childebert, un peu moins avec d'autres. Caribert, Sigebert. Qui sont ces rois francs? Que nous disent-ils de la manière de gouverner? Une histoire qui nous conduit de la fin de l'Antiquité jusqu'aux Carolingiens. Mais est-ce que tout cela a vraiment un sens? Nous soumettrons ces peuples qui ont choisi le dieu des vaincus. Nous ferons mieux encore. Car par quelle folie nos frères de race, Goths, Burgondes, Alamans, qui ont enlevé à Rome tant de pays de cette Gaule, avaient-ils renié leurs dieux, qui sont les nôtres, pour se mettre à adorer le faible Christ? Nous les ramènerons, par le fer et le feu s'il le faut, à la religion de leurs ancêtres. Et le Christ ne sera plus, s'il est encore quelque chose, que le dieu des Gaulois et des Romains, de ceux qui cultivent la terre, de ceux qui tiennent boutique, et qui sont faits pour être tondus comme des moutons par le peuple de seigneur que nous sommes. Ouais, vive Clovis ! Vive le roi du peuple des seigneurs ! Ah, bah Clovis n'est pas encore baptisé. Nous étions en 1968 sur France Culture. Bonjour Laurent Tess. Bonjour. J'évoquais le fait que cela n'a pas de sens de dire que c'est une histoire qui nous conduit de la fin de l'Antiquité, etc. Clovis, ici, n'a pas conscience que c'est la fin de quelque chose. Ben, les contemporains ont rarement conscience que les choses s'achèvent avec eux. Mais en même temps, autant qu'on puisse, c'est une réserve que je vais faire dès l'entrée, quand nous parlerons de Clovis, des Francs, il faut faire des réserves. Nous ne voyons que la couche très supérieure d'une élite aristocratique qui communique avec nous. Pour le reste, nous sommes davantage ignorants. Mais quelqu'un comme Clovis sait très bien d'où il vient, parce que ses ancêtres ont été eux-mêmes intégrés à l'armée romaine et au système romain, et en embrassant le christianisme, comme on le dira peut-être, je ne dis pas qu'il sait où il va, mais il comprend qu'il entre dans quelque chose d'autre et qui va le conduire au-delà de ce dont il vient. Ces rois francs ne sont pas en rupture avec le monde romain, vous venez de le dire dans le cas de Clovis. Ils s'intègrent à ce qu'est, à ce moment-là, le monde romain. Il faut faire litière de ces invasions barbares qui à la fois nous enchantent et nous terrifient. Dans l'histoire, les continuités sont généralement plus fortes que les ruptures. Et quand les ruptures se produisent, c'est qu'un mouvement profond les a amenées. Et en effet, on entend parler des Francs 2 siècles avant même que Clovis ne se signale à l'histoire et à la postérité comme le roi d'un nouvel ensemble qu'on appellera le royaume des Francs. Oui, parce que la notion de France même n'a pas de sens à ce moment-là. En France, l'identité nationale se joue par l'histoire, et non pas par les géographies, ni même par la langue. Et donc, c'est une construction historique qui nous fait dire a posteriori que des linéaments, des germes de ce qui deviendra la France, elle-même toujours en construction, de ce qui deviendra la France, est en action. Donc, France, au fond, est un mot qui promet plus qu'il ne tient, parce qu'on commence avec les Francs, Franqui, il faut parler un peu latin, on continue avec la Francia. Mais avant que la France soit appelée de son nom, eh bien, il faut attendre l'époque de Saint-Louis. Les rois francs, c'est une longue période. C'est le titre, Laurent Tess, de cet ouvrage chez Bouquin. Le haut Moyen-Âge de Clovis à Robert le Pieux. Vous vous en parlez, combien de rois d'ailleurs? Est-ce que vous pourriez le dire? Parce que c'est extrêmement compliqué entre ceux qui règnent réellement, ceux qui souhaitent régner. Ah là, vous me lancez un défi que je suis incapable de relever en direct. Pourquoi? Eh bien parce que dans le système des rois des Francs, mieux que roi franc, il vaut mieux dire roi des Francs, dans le système de la succession des Francs, eh bien le fils de roi est lui-même comme roi, même s'il n'est pas pourvu d'un royaume. De sorte que par exemple, Clovis, qui a eu 4 fils, chacun de ses fils, par le fait même qu'ils étaient les fils des rois, sont appelés rois avant même d'être en possession d'un royaume, donc du vivant de leur père. Ainsi, il est assez difficile, on peut repérer des royaumes plus facilement que des rois. Mais si je devais, à la louche, vous dire combien il y a eu de successeurs à Clovis, ne fût-ce que chez les Mérovingiens, je dirais une trentaine. Oui, mais certains ont eu des règnes très courts, certains n'en ont pas eu du tout, et d'autres ont eu des règnes prolongés, et surtout, il y a eu des règnes concomitants, c'est-à-dire que l'ensemble franc a été divisé en autant de parts qu'il y avait d'héritiers. C'est vrai qu'il faut se départir de notre manière de représenter les dynasties avec un roi qui succède à un autre roi, etc. Ce n'est pas ce système-là. Et si nous partons de Clovis, nous voyons bien que lui est héritier. D'ailleurs, on pourrait se poser la question de quoi ? De là d'où il vient, ce qu'on a longtemps appelé les barbares, ou alors de ce monde dans lequel il veut s'intégrer, le monde romain ? Eh bien, ce n'est pas par facilité que je réponds un peu des deux. Et on le sait mieux, peut-être, pour son père Childéric que pour son fils Clovis lui-même. Pour une raison simple, c'est qu'au XVIIe siècle, on a retrouvé la tombe de Childéric à Tournai, aujourd'hui en Belgique, qui était au fond le lieu de naissance de la dynastie franque. Et dans sa tombe, qui n'a par chance pas été pillée, on a retrouvé à la fois des emblèmes de général romain et du fourniment, je dirais, de roi des Francs, c'est-à-dire des chevaux sacrifiés, ce que les Romains ne faisaient certainement pas, mais une broche à son manteau de général romain, ce paludamatum, dont on sait, par le sceau qu'on a retrouvé, qu'il le portait. Il était donc à la fois gouverneur d'un territoire romain, qu'on appelait la Belgique seconde, et en même temps, il était chef de tribu, chef de clan, chef de nation, si on veut être aimable. Voilà, bah, vous êtes aimable, Laurentès. Vous l'êtes aussi. Merci. Avec la manière de gouverner, comment gouverne-t-on quand on est chef d'une tribu ou d'une nation, puisque nous sommes aimables ? Eh bien, d'abord, que gouverne-t-on ? On gouverne des populations beaucoup plus que des territoires. Et donc, peu à peu, ces rois, les successeurs de Clovis, puis les Carolingiens, seront rois de plusieurs royautés, plusieurs royaumes, de plusieurs peuple. Ils seront rois, ils deviennent rois, peu à peu, des Francs, pour commencer, des Burgondes, des Aquitains, des Neustriens, quelquefois, ils essayent de se dire, sans succès, rois de Germanie. Bref, ils gouvernent des peuples, et non pas. Et puis, le mode de gouvernement, mais c'est pas, ça ne remonte pas à cette époque, c'est la guerre. On gouverne par la soumission. Alors la guerre, c'est ce qu'il y a évidemment de plus visible. Donc nous nous repérons, Clovis a fait sa fortune en s'étendant du nord vers le sud par des coups de main contre les Alamans, contre les Visigoths, contre les Burgondes, des coups de main heureux. Et c'est en conquérant des peuples, en soumettant des peuples, qu'il a fortifié son royaume. Mais ils le font aussi par la loi. Un des héritages les plus importants, je crois, de la romanité qui a percolé, si j'ose dire, dans la royauté franque, c'est la loi. La loi, c'est quelque chose de Rome. Naturellement, il existe des lois dites barbares, mais qui varient selon les peuples. Il y a une loi des Bavarois, une loi des Francs, une loi des Burgondes, etc. Parce que la loi romaine, qui a été compilée dans un code d'un mot un peu savant qui s'appelle le code théodosien, qui regroupe tout l'héritage juridique de la romanité, s'est imposée comme une façon, comme un mode de gouvernement. Le roi est là pour vaincre, pour conduire son peuple, quand il est chrétien, vers la Jérusalem céleste, mais aussi pour rendre la justice par la loi à chacun selon son droit. Oui, avec cette complexité de la diversité, Laurentès, vous l'avez évoqué, car chacun a sa propre loi. En apparence, le système des lois personnelles était simple, mais dans la pratique, il était d'une grande complexité. On rencontrait, disséminés dans le royaume, des Francs saliens, des Francs ripuaires, des Burgondes, des Visigoths, et enfin des Gallo-Romains, qui surtout au sud de la Loire formaient la majorité. La complication fut poussée à l'extrême sous les premiers Carolingiens, lorsque l'Empire s'étendit à des régions peuplées de Lombards, de Bavarois, d'Alamans et de Saxons. Chacun des ressortissants de ces nations conservait pour le droit privé et pour le droit pénal la coutume et la loi de son origine. Si l'intéressé était de naissance légitime, il suivait la loi de son père. S'il était enfant naturel, il était soumis à la loi de sa mère. Les formes du mariage étaient réglées selon la loi du mari. Et je ne signale ici que les règles les plus notables. C'est Pierre Petot qui s'exprime en 1953, professeur d'histoire du droit privé à la faculté de droit de Paris, membre de l'Institut. Et il évoque à cette grande diversité ici, très complexe à gouverner un tel, alors pas territoire, mais tant de peuples. Alors la complexité n'est pas qu'apparente, mais elle est en grande partie apparente. Pour ce qu'on peut savoir de la pratique judiciaire, puisque l'époque carolingienne en tout cas était évoquée, c'est là qu'on connaît le mieux le rendu de la justice, il semble que toutes ces formes codifiées dans des lois n'aient pas été appliquées à la lettre et que la justice ait été rendue dans des formes moins complexes, même si des justiciables bien informés pouvaient invoquer éventuellement même en s'adressant directement au palais royal, pouvaient invoquer leur spécificité juridique pour obtenir des sentences différentes. Mais en gros, et pour aller vite, la justice était rendue dans des formes beaucoup moins sophistiquées, même si on ne doit pas sous-estimer le rôle de la codification, le rôle de l'écriture et l'importance du droit dans le mode de régulation des sociétés. Oui, vous insistez bien sur l'importance du droit, de la loi, cet héritage romain. Bien souvent, l'Empire romain est mis en avant par l'unité, beaucoup plus complexe en réalité. Elle n'est pas si réelle que ça, cette unité de l'Empire romain. Oui, mais par rapport au vécu, pour aller vite, des 5e, 9e siècles, l'Empire romain, surtout depuis l'édit de Caracalla qui a accordé à tous les habitants de l'Empire la citoyenneté romaine, fait figure d'un ensemble qui est transfiguré, magnifié, célébré comme le modèle insurpassable. Dans le cours de l'histoire des Francs, et encore bien après eux, la culture historique, la culture politique est celle du rétroviseur. C'est-à-dire que l'important, c'est d'essayer de renouer la chaîne des temps. Et l'on voit à quel point les rois des Francs ont essayé de se faire passer pour des nouveaux Constantins ou de nouveaux Théodoses, qui sont les deux parangons, au fond, du mode de gouvernement idéal. Ah oui, l'Empire romain comme modèle avec la manière de gouverner. Alors là, c'est compliqué, parce que, vous nous l'avez dit, Laurentès, la guerre, alors valeur sûre, hein, pour imposer son pouvoir. Mais le roi des Francs est-il le roi tout-puissant tel qu'on pourrait l'imaginer, seulement s'il est vainqueur? Et encore, c'est plus complexe là aussi. Les rois tout-puissants sont en partie une fiction générée par les rois eux-mêmes. Vous savez, Louis XIV avait la puissance que lui permettait la distance, la lenteur des communications, les résistances locales, la barrière de la langue et les corps intermédiaires, si je puis dire, qui mettaient écran entre lui et la population. Donc les rois des Francs, davantage encore, exercent un pouvoir par la guerre, physiquement, mais aussi par l'idéologie. On n'insiste pas assez, je crois, j'espère l'avoir fait un peu, sur l'importance de l'idéologie qui fait que, surtout après la christianisation, eh bien, on tire argument du fait que l'on n'est pas seulement promu et mis à sa place royale par la guerre, par la force, ou même par le consensus, mais par la divinité. Et on rattrape par la divinité, par les images et par l'idéologie, ce qu'on perd de réalité physique. Donc le roi apparaît avec les attributs du gouvernement, et comme dit l'autre, quelqu'un d'ailleurs qui sévit sur France Culture, une idée fausse est un fait vrai. C'est-à-dire que, ça c'est Jean-Noël Jadenet, je le salue. Si tout le monde croit que le roi est désigné par le Christ, qu'il dispose de charismes qui lui permettent d'intervenir sur le cours naturel des choses, sur les semailles, sur les récoltes, sur le temps qu'il fait, sur la fécondité des troupeaux, et sur la vie et la mort, eh bien, si on le croit, on fait comme si c'était le cas. C'est en cela que le baptême de Clovis est si important. C'est pas simplement pour donner une date dans la chronologie. D'ailleurs, on en est où de cette date du baptême de Clovis? Écoutez, depuis la semaine dernière, on en est du côté de 499. Mais certains veulent aller jusqu'en 505. L'excellent Bruno Di Musil, qui a écrit un livre sur le baptême de Clovis, a mis en sous-titre 505 points d'interrogation. Ce qui, évidemment, pour les chronographes, est un peu décevant. C'est en 1996, vous le savez, que ont eu lieu ces cérémonies qui ont tourné finalement au grotesque, du sens du 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Que ce soit 496 ou 499, seuls les érudits en disputent. Voilà, et puis ce n'est pas ça l'important, c'est que Clovis, en tant que roi, bénéficie de cette double légitimité. Il y a cette légitimité qui est cette légitimité issue de la gouvernance, de là d'où il vient, et à laquelle s'ajoute la légitimité sacrée. Alors, Clovis, nolens volens, comme disent les latinistes, consciemment ou non, je veux dire, a fait un très bon choix. Les circonstances s'y sont prêtées, mais pas seulement, il a dû être bien conseillé aussi. C'est-à-dire que ce roi des Francs est le dernier des rois dits barbares à être passé au christianisme. Et quand il l'a fait, il est passé au christianisme catholique romain, si vous voulez, alors que la plupart de ses collègues, Visigoths, Ostrogoths, Burgondes, était né et s'était développé dans ce qu'on appelle l'arianisme, qui est une forme de christianisme dont on serait bien en peine aujourd'hui de dire exactement à quoi il correspond, mais en gros qui porte sur la nature du Christ, un problème d'ailleurs indécidable encore aujourd'hui, mais qui fait que, par le concile de Nicée, cette tendance, cette mouvance du christianisme avait été déclarée hérétique, de sorte que ces rois ariens ne bénéficiaient pas de la puissance grandissante, montante, du réseau épiscopal, qui lui était catholique romain, dépendant de la papauté. Clovis a sauté un double pas, la christianisation dans le rite et dans la foi, pour ce qu'il peut en comprendre, de la foi catholique romaine. Et du coup, il a mis derrière lui une puissance ecclésiastique en formation et même en accélération. Puisque, au Ve siècle et pour un certain temps encore, le réseau épiscopal constitue la forme la plus efficace de contrôle social. Mais alors, ce réseau épiscopal est-il allié du roi des Francs, Clovis, ou est-ce un contre-pouvoir, pour utiliser un mot plus contemporain ? Je dirais que c'est plutôt Clovis qui est l'allié des évêques. Clovis a été intronisé, conseillé, si l'on en croit l'historien Grégoire de Tours, mais après tout, il n'a pas pu tout inventer, par l'épiscopat rémois, hein, avec à sa tête Rémy de Reims, qui l'a initié, ainsi que sa femme Clotilde, qui elle-même était une princesse burgonde née dans le christianisme romain, et tout cet entourage a, au fond, éduqué, christianisé, catéchisé, c'est le mot, Clovis dans la foi romaine. Et du coup, l'épiscopat s'est tourné vers Clovis, y compris l'épiscopat de ses futurs adversaires. L'épiscopat wisigothique, c'est-à-dire aquitain et espagnol, l'épiscopat ostrogothique, c'est-à-dire celui qui règne en Italie du Nord, l'épiscopat burgonde en partie, s'est tourné vers Clovis comme étant une valeur sûre et prometteuse, et c'était celui qu'il fallait promouvoir pour sortir de l'arianisme et aller dans les voies que le Seigneur ne manquait pas de tracer. Bon choix donc de la part de Clovis, ou au bon moment, on décidera l'un ou l'autre, avec donc l'épiscopat comme allié, bien sûr, mais on l'entend bien, hein, l'épiscopat qui utilise ce roi des Francs plus comme, on va dire, un instrument pour imposer son pouvoir. C'est un échange de services. L'épiscopat renforce la légitimité de Clovis, lui assure aussi un rôle de transmetteur politique, parce que l'évêque y réside dans sa cité. Et à l'époque, les diocèses, les cités épiscopales, sont le relais nécessaire entre un pouvoir royal, qui n'est logé dans aucune capitale pendant longtemps, et, comme on dit aujourd'hui, le terrain. Et donc, sans évêque, le relais est impossible. Et c'est un échange de services. Les évêques soutiennent la royauté, qui le leur rend bien en leur assurant, dans le réseau, dans le contrôle des sociétés et des populations, un rôle capital. Et donc la promotion du pouvoir royal et de l'épiscopat, de l'Église pour aller vite, est une des caractéristiques de la royauté franque et sera une des données de la royauté française pendant très longtemps. Le roi ne fait pas ce qu'il veut parce qu'il y a cet épiscopat autour de lui et qui est utile, on sent bien ce service, ce système de don contre don, mais il n'y a pas que les évêques dans cet univers-là. Qui est face encore au roi des Francs pour contrer des volontés qui ne plairaient pas. Mais pourquoi voulez-vous que l'on contre la royauté franque ? Le roi sait ce qu'il peut faire et ne pas faire. Il est remarquable que les rois des Francs, sauf exception, n'aient pas été saisis par cette hubris, hein, par cette volonté de puissance exagérée dont Napoléon a donné la meilleure preuve, mais dont déjà Charlemagne n'était pas, et Louis XIV, n'était pas exempt. Ces rois mérovingiens, ils ont fait ce qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient, et avec, me semble-t-il, pour les meilleurs d'entre eux, je pense à Clovis, mais à ses fils, qui sont très avisés, au roi Dagobert, à ses successeurs jusqu'à Charles Martel, ont fait avec ce qu'ils avaient, et avec les forces dont ils disposaient, épiscopales, militaires, et en mettant de leur côté, en achetant la bienveillance des aristocrates laïcs. Et voilà, c'est ça, les aristocrates laïcs sont là, il faut composer avec, alors acheter la bienveillance ou imposer son pouvoir. Mais ça n'est pas contradictoire, on achète la bienveillance et on impose son pouvoir pour les aristocrates laïcs en les emmenant à la guerre. Parce qu'à la guerre, on va vers le sud, il y a du ciel bleu, il y a des femmes parfumées, il y a de l'or, du moins on le croit, il y a du butin, il y a des esclaves, il y a des territoires, et en emmenant l'aristocratie, en la sortant de ce nord européen qui est un peu triste quelquefois, en les emmenant le plus possible vers les Pyrénées, vers la Méditerranée et vers la vallée du Rhône, eh bien, on leur apporte, au fond, de la gloire et de la richesse. Et c'est pour ça aussi qu'on fait la guerre. C'est pour que, comment dirais-je, la testostérone des aristocrates puisse trouver à s'employer, non pas à l'intérieur, mais trouve des débouchés à l'extérieur. Et c'est pourquoi la guerre est une nécessité en même temps qu'un plaisir. D'où les moqueries, alors là, anti-virilistes, qui ont été portées sur ces Mérovingiens. Mais quelle violence dès lors de les traiter de feignants. Au temps, au bon temps, des rois fainéants. Tic-tic-tic. Les jours et les nuits se passaient au lit. Tic-tic-tic. Traînés par des bœufs dans un char moelleux. Orléans, en croisant, tout en taquinant les belles pucelles en passant. Au temps, au bon temps, des rois fainéants. Dic-dic-dic. D'une main on mangeait, de l'autre on buvait. Chic-chic-chic-chic. L'amour se chantait sur des flûtes d'or et les belles offraient les trésors de leur corps au roi fainéant. Oh, c'est trop fort. Tic-tic-tic. Paola, qui chantait les rois feignants dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Élise Leu. Nous nous intéressons aujourd'hui à ces rois francs gouvernés autrement. Ne serait-ce que par l'évocation laurentaise des rois feignants, nous avons déjà, en l'espace de très peu de temps de la période des Mérovingiens, plusieurs figures de royauté avec Clovis, qui est le souverain qui se convertit et qui arrive à imposer un pouvoir, avec les successeurs de Clovis, et puis les rois feignants. C'est-à-dire que, très vite, en fait, on a plusieurs images possibles du pouvoir avec un système similaire, celui des Mérovingiens. Quand vous dites très vite, entre Clovis, qui donc apparaît vers 480, et 753, 751 plutôt, où les Carolingiens effacent définitivement les Mérovingiens, il se passe au moins autant de temps qu'entre Louis XIV et nous. Donc on ne peut pas dire non plus que ça a été si rapide. Qu'est-ce que vous voulez, toute substance vivante a tendance à un moment à dégénérer parce que le dispositif qui avait fait le succès de plusieurs générations, mettons 4 ou 5 chez les Mérovingiens, eh bien épuise ses vertus parce que la société elle-même se transforme et que la dynastie et que le dispositif n'est plus en état de s'adapter à ces nouvelles circonstances, à ces nouvelles réalités. Mais comment dirais-je, l'élimination progressive des Mérovingiens par ce qu'on appelle les Pipinides à cause de Pépin, mais qui deviendront les Carolingiens, c'est fait selon un processus assez lent et dans lequel, au fond, les formes ont été longtemps respectées. C'est-à-dire que la substitution à l'intérieur du pouvoir de la nouvelle dynastie, en s'introduisant comme le coucou dans le système mérovingien, a été assez lent et sans violence. C'est-à-dire que le mode de succession par l'assassinat a été assez peu pratiqué chez ces derniers Mérovingiens qui ont eu le bon goût, qui ont dû s'effacer tout en restant des rois de plein exercice, de pleine légitimité. Alors on les a appelés les rois fainéants, mais quand? Au XIXe siècle. Et que veut dire fainéant? Ça vient du latin nihil fecit, ça veut dire qu'ils ne font rien, ça veut pas dire qu'ils ne sont paresseux, ça veut dire que leur prise sur le pouvoir, sur le gouvernement, est passé dans d'autres mains qui ont longtemps respecté les formes. Et puis un jour, on s'est aperçu qu'il fallait faire coïncider le fait et le droit. Et du coup, ceux qui exerçaient en fait sont devenus légitimes en droit. Comment est-on passé justement de ces premiers Mérovingiens, avec la figure de Clovis, jusqu'à, par ses successeurs, Dagobert, qui est peut-être le dernier roi mérovingien, roi des Francs puissants, avant d'arriver dans ceux qu'on a appelés et dénigrés rois feignants. Mais on a bien compris, c'est pas parce qu'ils étaient paresseux, c'est parce qu'ils n'avaient plus le pouvoir. Alors en effet, Dagobert est une figure qui a marqué la mémoire collective. Dans ce que nous disons, il faut naturellement faire la part, qu'il s'agisse de Clovis, de Dagobert, des rois fainéants, de tout ce dont nous parlons, de l'amplification ou au contraire de la péjorisation que l'histoire, surtout au XIXe siècle, a fait de ces personnages, Alors, sur le moment, Clovis, en Italie, on ne sait à peu près pas qui c'est. Et Clovis ne prend toute sa substance qu'à travers l'histoire. D'abord, parce que les rois francs puis français ont repris son nom, Clovis et Louis, c'est la même chose, et qu'on a eu comme 18 Louis, c'est un record, alors qu'on n'a eu que 10 Charles. Bon. Et puis, à mesure qu'on avait besoin de la figure de Clovis, sous Saint-Louis, à l'époque de la guerre de Cent Ans, également sous Louis XIV, mais plus encore, lorsque la nation française s'est cherchée des origines, que la personne de Clovis a été exaltée. Idem pour Dagobert, quand on s'est aperçu que Saint-Denis était au fond un des nœuds, un des ancrages de la royauté française. Donc cela, il ne faut jamais le perdre de vue. Mais c'est vrai que Dagobert a rassemblé sous son sceptre, au moins pendant 10 ans, un ensemble de royaumes qui excédait largement l'empire napoléonien. Donc c'est le dernier. Mais la façon dont il gouvernait les Saxons n'est pas la même que la façon dont il gouvernait les Parisiens, il faut bien le dire. Oui, parce que c'est cela, gouverner quand on est un roi des Francs, c'est gouverner selon le peuple que l'on domine. Ce n'est pas un régime qui est unifié sur l'ensemble de populations. Et je fais attention de ne pas dire de territoire. Oui, on arrive aussi aux populations quand même, parce que ces gens savent où ils habitent, et donc les frontières existent, même si elles ne sont pas repérables comme aujourd'hui. Mais en effet, comme je le disais tout à l'heure, Dagobert a réussi à rattraper en idéologie, donc a fait croire, et a cru lui-même qu'il commandait à un ensemble aussi vaste. Et donc, on bat la monnaie, on rend la justice, on prie dans les églises, c'est encore plus important, pour le roi Dagobert, pour le roi des Francs. Et on exalte cette figure de la royauté franque, par exemple dans la loi salique, qui a constamment été réécrite entre Clovis et l'époque de Louis le Pieux, avec un prologue qui dit « Vive le Christ qui aime les Francs ». Et comme Clovis puis Dagobert sont les rois des Francs, cette race élue, ce prestige, rejaillit sur le roi qui est lui-même chargé de l'entretenir et de l'exalter par tout moyen. Et quand c'est pas la guerre, c'est la justice. Quand c'est pas la justice, c'est l'idéologie ou la religion. Et dès lors, dans ce système, y a-t-il des oppositions? Je pense aux grands aristocrates qui pourraient contester un roi. Est-ce que cela est concevable? Non seulement c'est concevable, mais c'est pratiqué. Il y a des usurpateurs. Comme cette famille, ce clan mérovingien est très prolifique, on voit quelquefois apparaître des gens qui disent « Mais moi, je suis petit-fils de Clovis. » Un certain Gondovals, par exemple, à la fin du VIe, c'est elle qui apparaît en disant « Mais c'est à moi. » Ou Cramne, ou d'autres, des usurpateurs qui arrivent, qui se laissent pousser les cheveux, puisqu'on n'est pas roi mérovingien si on n'a pas une chevelure abondante. Et quand on veut réduire un roi, un usurpateur par exemple, à l'état laïque, on lui tond les cheveux. Il est obligé d'attendre quelques semaines, quelques mois, pour que la chevelure ait repoussé. Ça n'est pas du folklore. C'est absolument décisif, c'est absolument déterminant. Les rois chevelus sont les seuls dans l'aristocratie laïque à porter des cheveux allant sur les épaules. Alors certains se font pousser les cheveux, arrivent en brandissant des reliques, des sceptres, du fourniment, des couronnes. Mais c'est moi qui ai des droits au royaume d'Aquitaine, c'est moi qui ai droit au royaume de Neustrie. Alors là, il y a des oppositions, il y a des aristocrates qui les rallient, il y a de la guerre, mais généralement, la dynastie légitime triomphe. Il n'y a pas eu d'usurpation réussie, sauf celle des Carolingiens, mais qui était une usurpation d'autre sorte. Ils n'ont pas cherché à faire croire qu'ils étaient des Mérovingiens par identité. Oui, parce que c'est ça qui est très important malgré tout, c'est cette notion de dynastie. La notion de dynastie avec des personnages inventé, mais là encore, Laurent Test, nous sommes sur des lectures très tardives pour chercher des ancêtres idéalisés avec des Mérovées, des Pharamons, etc. Là, tout ça, c'est pas dans... Alors ça, si, c'est dans votre étude, bien sûr, parce que vous êtes historien et vous travaillez sur l'ensemble du sujet, mais c'est des constructions tardives. Ce sont des constructions tardives, pas si tardives que ça. Elles datent, en gros, du 7e siècle. C'est à ce moment-là qu'on s'avise que les Francs pourraient bien descendre des Troyens, de ceux qui ont reçu la visite des Grecs pendant la guerre de Troie. Et de même que Énée avait fondé la nation romaine dans l'Énéide de Virgile, de même, une légende s'est construite pour faire descendre les Francs d'un certain Francus, qui évidemment n'a existé que dans l'imagination, qui était un petit frère d'Énée, et qui aurait amené ces populations d'Est en Ouest. Et donc, il fallait chaque fois chercher un ancrage le plus lointain possible, parce que dans l'histoire, plus c'est lointain. Si vous prouvez, Xavier Maudit, que vous êtes descendant d'Adam, vous serez plus fort que les autres. Et donc, plus on remonte dans le temps, mieux l'ancrage, à travers les générations, à travers l'histoire, à travers la légitimité, se solidifie. Par exemple, lorsque les Carolingiens ont réussi, contre les Mérovingiens, à l'intérieur, mais contre les Mérovingiens, à asseoir leur pouvoir, au bout de deux générations, ils ont fait fabriquer de fausses généalogies pour montrer qu'eux-mêmes descendaient de Clovis et de Dagobert. Ils se sont affiliés. Et quand les Capétiens ont remplacé les Carolingiens, ils ont fait de même. Ils sont remontés sur la couche la plus lointaine qu'ils ont pu trouver. Et quand on cherche, on en trouve. C'est comme le pétrole. Eh bien, ils ont trouvé des raisons de montrer qu'ils reprenaient en main tout l'héritage. Et mieux encore, puis j'arrête là, la Troisième République, dans des modes différents, n'a pas fait autre chose. Quand on a gagné la guerre de 14-18, on a dit, en gros, c'est grâce à Clovis. Et parce que c'est ça, hein, l'histoire, c'est sans cesse se replonger dans le passé, trouver des origines. Oui, mais c'est vrai spécialement, si la France est exceptionnelle, ce que je ne crois pas, elle le serait de ce point de vue. C'est-à-dire que la légitimation, que la recherche de l'ancêtre, que la légitimation par l'histoire, l'histoire, la France vient du fond des âges, elle vit, c'est comme ça que commencent les mémoires de guerre de De Gaulle, eh bien, c'est une obsession. Et c'est une obsession, à mon avis, paralysante. Obsession paralysante au moment d'étudier les rois des Francs. Ici, nous sommes sur du chant carolingien, c'est Alcuin, c'est un grand personnage, magnifique, Laurent Tess. Vous nous l'avez dit tout de suite, car historien que vous êtes, les sources sont essentielles. Les Mérovingiens sont moins connus que les Carolingiens. Charlemagne qui a laissé beaucoup, beaucoup d'écrits. Comment étudie-t-on les Mérovingiens en essayant de se départir de tout ce que vous nous avez dit, ces constructions postérieures? Alors, premier point. Les Mérovingiens ont laissé moins de traces que les Carolingiens pour une raison presque physique, c'est-à-dire qu'ils écrivaient sur du papyrus et que le papyrus ne se conserve pas. Nous n'avons que des lambeaux de manuscrits datés de l'époque mérovingienne. Donc tout ce qui est la partie, si vous voulez, gouvernement, etc., a disparu. Le reste a été recopié par les Carolingiens. Donc les Carolingiens apparaissent comme mieux équipés et donc mieux connus. Alors, eh bien, écoutez, on fait ce qu'on peut avec les Mérovingiens. C'est pourquoi les livres sur cette période, sauf à avoir beaucoup d'imagination, ne sont pas très, très épais. Mais malgré tout, dans mon esprit en tout cas, mais peut-être que j'ai tort, comment dirais-je, la façon dont la mémoire s'est constituée d'une période, d'un gouvernement, d'une dynastie, est aussi importante que la réalité des choses. Il faut savoir admettre que nous voyons les choses à travers l'épaisseur des siècles. La couche de peinture est extrêmement épaisse. Alors, on décape tant qu'on peut, mais on arrive rarement, si vous voulez, c'est comme un palimpseste, on arrive rarement à l'origine des choses. Et à ce moment-là, on regarde ce que les Carolingiens disent des Mérovingiens. On regarde ensuite, et successivement, on tâche de trier entre ce que l'historiographie a construit et ce qu'il en était sur hic et nunc, ici et maintenant. Mais on n'y arrive jamais tout à fait. Quand, par exemple, je dis Clovis ou Dagobert, de quoi Dagobert est-il le nom? D'un clan, mais il est fabriqué en effet par Saint-Denis, par les évêques, par les grands abbés, par son aristocratie. Et on croit les saisir et on n'a saisi qu'une ombre. Mais il y a des ombres qui sont suggestives. Avec cette pleine conscience, Laurentès, et ça vous l'avez tout de suite placé dans la conversation comme une mise en garde, la connaissance que de l'élite mérovingienne ou cette élite franque. Parce que la gouvernance concerne le peuple, concerne d'autres élites peut-être plus locales, mais il est beaucoup plus difficile de mesurer comment elles se pratiquent, comment ces gens sont gouvernés. Alors à l'époque mérovingienne, donc dans les trois premiers siècles, c'est à peu près impossible. On a des éclairs qui sont donnés par un historien, qui est le seul pratiquement, qui s'appelle Grégoire de Tours, qui écrit vers 580-590 une histoire des Francs, sans laquelle alors nous ne saurions à peu près rien. Sauf que l'archéologie nous fournit, mais l'archéologie de cette époque, elle a affaire à du matériau en bois qui a complètement fondu à travers les siècles. À l'époque carolingienne, les choses sont un peu différentes, parce que, pas davantage qu'à l'époque mérovingienne, les populations, je dirais les masses, pour faire plaisir, les masses ne s'expriment directement. Mais l'aristocratie s'exprime sur les masses. Donc on a une visibilité, la façon dont les grands abbés, les moines, les comtes, c'est-à-dire l'aristocratie laïque, qui gouverne chacun une circonscription au nom du roi, comment cette élite-là, quelques centaines, quelques milliers de personnes, quelle vision ils ont de la population, ce qu'ils doivent en faire, et puis par des correspondances qu'on a conservées, qui sont nombreuses, par des traités, par des documents que nous ne possédons pas pour la période précédente, on voit un peu s'animer cette population, alors telle que l'aristocratie voudrait la voir, telle qu'il la voit, mais malgré tout, on sent qu'il y a là une population qu'on peut nommer, on isole des individus, on voit des groupes, on voit notamment parce que les villages commencent à se former, parce que les paroisses autour de l'église, au milieu du village, comme on dit, commencent à s'esquisser, comment un mouvement commercial, ou j'allais dire financier, c'est beaucoup dire, mais une économie de pré-marché se constitue. Donc les lois que rendent en abondance, en grande abondance, les Carolingiens, quand ils régissent la monnaie, la police des marchés, les règlements de mariage, le traitement des esclaves ou des domestiques, on aperçoit quelque chose, mais il ne faut pas s'illusionner, on ne voit que ce que les lunettes de ces messieurs-dames nous laissent voir. Et oui, voilà, c'est ça, toujours tributaire de la documentation, des sources et de ce que ces sources ont voulu dire. C'est là où il faut savoir les interpréter avec cette étude qui nous conduit, alors vous l'avez bien dit, sur un temps très long, Laurentès, avec des ruptures très nettes qui concernent la chronologie, hein, mérovingien, pipinide, carolingien, mais dans la manière de gouverner. Là, pareil, nous sommes sur des continuités, c'est pas des ruptures franches. Franche, comme vous dites. Écoutez, on peut chercher ce qui ne change pas dans ce qui change ou ce qui change dans ce qui ne change pas. Le fait est que les moyens matériels de gouvernance, eux, ne changent pas. C'est quoi ? C'est l'épée, le cheval. Alors, le rôle du cheval, j'aurais dû en parler dès le début, le rôle du cheval dans la gouvernance franque est capital. Si on n'a pas de chevaux, on est foutu. Donc, on voit l'importance que les rois des Francs accordent à leur monture. Les chevaux sont fatigués, les chevaux ne sont pas là, on peut pas partir à la guerre parce que les prés ne sont pas encore assez fournis, donc on peut partir à la guerre qu'à la fin avril, début mai, parce qu'avant ça, les canassons n'ont rien à manger. Et au bout de 3 jours, on ne peut plus avancer. Donc le cheval, et les chevaux sont très distingués selon le rôle qu'ils jouent, hein. Celui qui tire un chariot n'est pas le même que celui qui enfourche un seigneur, eh bien, ça joue un rôle, moi, c'est presque du Shakespeare, mon royaume pour un cheval, disait Richard III. Et donc, c'est présent tout le temps. Et on voit bien que la supériorité franque, c'est dans sa cavalerie. Quelqu'un comme Charles le Chauve, je donne des anecdotes, mais ça peut faire plaisir. Quelqu'un comme Charles le Chauve, petit-fils de Charlemagne, est capable, dans la nuit, en partant à 8 heures du soir, d'arriver à 8 heures du matin à Laon, depuis Paris, c'est-à-dire 120 km de nuit sur un cheval, dont il a dû changer 3 ou 4 fois. C'est pour vous dire qu'on gouverne à cheval. Il allait régler le compte à un seigneur qui lui faisait opposition à Laon. Donc le cheval joue un très grand rôle. Donc il y a des invariants dans le gouvernement. Mais les Carolingiens se distinguent des Mérovingiens, autant que nous le voyons, parce que le contrôle par l'administration devient de plus en plus fort. Ces gens ont l'administration, même à un niveau relativement bas, en dessous du comte, il y a des vicaires, en dessous du vicaire, il y a des vidames. Ces gens savent lire et écrire, contrairement à ce qu'on a cru longtemps. Quand on leur envoie des circulaires pour dire ce qu'ils ont à faire, ils ont des comptes à rendre, 2 fois par an. Quand ils ne font pas l'affaire, le roi carolingien a les moyens de destituer, ce que n'avait pas le roi mérovingien et ce que n'aura plus le roi capétien. Donc, on constate, en gros, entre la fin du 8e siècle et la fin du 9e, pendant 4 générations, depuis Pépin le Bref jusqu'au petit-fils de Charlemagne, et même arrière-petit-fils, Louis le Bec, on constate une administration relativement sous contrôle, d'autant plus que les évêques et les grands abbés, c'est l'époque où les grands monastères, véritablement, constitue un réseau peut-être aussi puissant que le réseau épiscopal, par des relais, par le fait que le roi sait très bien, puis l'empereur sait très bien les utiliser, eh bien, on tient un peu les gens. Et on a encore la force, pour ceux qu'on ne tient pas, de les ramener à la raison par le fer et par le feu. Il est temps de le faire naître, hein, quand même, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais le voici, Karl. Louez le Seigneur ! Dame Berthe a donné naissance à un fils que son père Pépin a nommé Karl. Louez le Seigneur! Karl fut en effet le véritable prénom de celui qui nous est plus connu sous son surnom de Charlemagne. Karl, puisque toute sa famille parlait allemand. Les ecclésiastiques, eux, le baptisèrent Carolus. Où s'était produit cet événement capital ? Dans l'une des résidences de Pépin, est-ce à Liège, à Aix, pas encore la chapelle, à Ingelheim, près de Mayence, à Quirzy-sur-Oise, à Saint-Denis, on ne sait. Mais ce jour-là, Berthe et Pépin eurent un bâtard qui devait faire du bruit en Europe. Et il s'appelait Karl, c'est Alain Decaux en 1967 dans la Tribune de l'Histoire. Pourquoi Karl ? Bah tiens, je reprends Laurent Tess, un des points de votre ouvrage consacré au roi des Francs. Oui, Karl, K-A-R-L. Pourquoi Karl ? C'est très intéressant là aussi parce que, une fois encore, c'est une histoire sur le temps très long. Alors, le premier Charles ou Karl que nous apercevons, et je pense que si on avait eu un autre d'importance, on l'aurait su. C'est le fils de celui qu'on appelle Pépin de Héristal, hein, maire du palais, qui est un bâtard, c'est mal dit. C'est quelqu'un qui n'est pas né de la première épouse, parce que on a plusieurs épouses pour être sûr de garder un fils. Ce n'est pas seulement par libido. Le chroniqueur de l'époque dit « Pépin appela ce fils Charles en tirant ce nom de sa propre langue. » Karl, on n'en avait jamais vu. On ne sait pas ce que ça veut dire. Alors là, ce qu'on vient d'entendre ferait dire que c'est de l'allemand. On est très très loin d'allemand. Mais c'est un prénom, un nom, parce qu'il n'y a pas de nom de famille, c'est un nom nouveau. C'est un nom qui vient de l'Est, mais personne ne s'est jamais expliqué sur ce nom. Et les exégètes, successeurs de Charles Martel, et les érudits du 19e siècle ne sont pas parvenus davantage à savoir le moment où un Charles était apparu. Alors il y a eu des hypothèses, disant que ça venait de la Saxe, peut-être des anglo-saxons. Bon, on en parle, on en spécule encore. Mais le fait est que, grâce à ces victoires, Charles Martel, maire du palais, a réussi à installer ce nom dans la dynastie qui, peu à peu, de Pépin, s'est rabattue sur Charles. Au fond, Charles a supplanté Pépin. Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'on vient d'entendre, comme dans tout ce qu'on vient d'entendre, c'est que Charles apparaît comme le fils, ce qui est vrai, de Pépin et de Berthe au Grand-Pied. Mais il n'est pas le seul, il a des frères. Or, ce qui différencie, à mon avis, et ce qui affermit la dynastie carolingienne, c'est que cette tradition du partage du royaume en sous-royaume, autant qu'il y a d'héritiers, disparaît assez vite avec les Carolingiens. Il est certain que Pépin le Bref, puisqu'il a survécu 10 ans à son fils, enfin son fils est mort quand il avait 10 ans, il a installé un héritier unique autant qu'il a pu. Et Charlemagne, par rapport à ses successeurs, en a pris un, l'aîné de ceux qui survivaient, parce qu'il en est mort beaucoup, Louis, dont il a fait aussi son successeur au titre impérial. Et ainsi de suite, Louis le Pieux, pour la partie occidentale de son immense empire, a choisi Charles le Chauve, alors qu'il aurait pu en mettre d'autres. Et ce qui a, à mon avis, fortifié la dynastie carolingienne, c'est que la primogéniture, en tout cas l'unicité dans la succession principale, parce qu'il y a des sous-royaumes, c'est vrai, a permis d'assurer dans la dynastie une succession qui n'était jamais garantie chez les Mérovingiens, parce qu'il n'y avait pas de clause d'âge, et que le petit pouvait bouffer le grand, alors que là, le grand en impose à ceux qui pourraient lui faire concurrence, et c'est ce que les Capétiens ont maintenu, j'allais dire, jusqu'au XIXe siècle. Mais c'est en cela que votre étude, Laurent Tess, sur le temps long est intéressante pour réfléchir à l'art de gouverner, de voir l'exemple des Mérovingiens, avec cette division sans cesse des royaumes et parfois des rois sans territoire, sans royaume, et puis de voir se construire cette notion assez complexe de mairie, de le maire du palais. On peut d'ailleurs rappeler de quoi il s'agit, parce que c'est ici qu'on va trouver l'origine des Pipinides, enfin de Pépin le Bref, et donc ensuite des Carolingiens. Alors pour faire un anachronisme que vous voudrez bien excuser, disons que à l'origine, le maire du palais, c'est le secrétaire général ou de l'Élysée ou du gouvernement, comme vous voudrez. C'est-à-dire celui sur lequel le roi, qui a moins de prise sur la société, qui s'occupe de sa propagande, se repose. Et d'ailleurs, il y a plusieurs maires du palais dans les débuts. Les écoliers de ma génération, en tout cas, pas de la vôtre, vous êtes trop jeunes, connaissaient l'Austrasie et la Neustrie, la partie orientale, l'Austrasie, et la partie occidentale, la Neustrie, de l'ensemble des royaumes francs. Il y avait un maire du palais en Austrasie, un autre en Neustrie, et même un autre en Bourgogne. Au fond, c'était pour correspondre à la nécessité du temps, car gouverner quand on est un roi seul, eh bien, il faut des relais. Et donc, sur le terrain, c'était un aristocrate local qui était là pour faire l'intermédiaire entre le roi et la population. Et donc, ces maires du palais, par la fonction, ont accumulé des pouvoirs, des richesses, se sont ancrés, c'est-à-dire que peu à peu, le fils a succédé au père, qu'une dynastie parallèle, puis concurrente, est installée, et que, comme la coquille royale se vidait du jaune d'œuf, si je puis dire, les Carolingiens, les Pépinides, se sont introduits en mangeant le blanc, puis en atteignant le jaune, puis finalement en expulsant le poussin mort pour prendre l'œuf tout entier. Alors, ils l'ont d'autant mieux pu, à mon avis. Et l'unicité du pouvoir incarné dans un seul roi, d'abord un maire du palais, mais dans un seul roi, vient du fait que la christianisation sous les Carolingiens atteint un palier supplémentaire. On ne peut pas dire que toutes les populations soient chrétiennes au sens où nous l'entendons. Nous n'entendons plus d'ailleurs, pour tout dire. Mais la christianisation, il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un Christ. Le roi est le fondé de pouvoir du Christ, désigné par lui. Vive Christ qui aime les Francs, qui aime le roi des Francs. Et donc c'est par le Christ, ses poumons, les évêques et les abbés relayés par le roi, c'est par le Christ que le roi advient. On ne conçoit plus qu'il y ait plusieurs fondés de pouvoir du Christ. Il en faut un à l'image du Père et du Fils. Donc le protégé du Père et du Fils, il doit être unique. En tout cas, il doit y en avoir un qui répond de l'ensemble. Et dans ce monde-là, il n'est pas cependant question pour les évêques d'être complètement au service du prince avec cette volonté d'une certaine autonomie de l'épiscopat. Nous ne sommes pas de cette catégorie de gens qui doivent prêter, de quelque façon que ce soit, un serment. Car l'autorité évangélique, apostolique et canonique nous l'interdit. Il est abominable, en effet, que la main ointe du Saint-Crème, qui, par la prière et le signe de la croix, fait par sacrement du pain et du vin mêlé d'eau, le corps et le sang du Christ, et que cette main, quoi qu'elle ait fait avant l'ordination, procède de quelque façon que ce soit, après l'ordination épiscopale, à un serment séculier. Et s'il arrivait que des serments fussent arrachés aux évêques ou prêtés par eux contre Dieu et les règles ecclésiastiques, qu'ils soient déclarés nuls en vertu des textes de la Sainte Écriture. Nous sommes au 9e siècle, bien sûr, quand Hincmar de Reims écrit cette lettre à Louis le Germanique. Laurentès, dans cet équilibre du pouvoir avec un pouvoir tenu par roi ou empereur, dans le cas de Charlemagne, et puis avec l'épiscopat, et puis avec les autres seigneurs, c'est un équilibre, en fait, qu'il faut savoir mesurer pour le souverain. Alors, le souverain le mesure très bien, parce que les évêques se chargent fréquemment de le lui rappeler. Alors je crois qu'il faut lier, au fond, ce rapport, cet équilibre entre Église et royauté, sans les distinguer tout à fait. Si le sacre a été institué, c'était pour tirer le descendant des maires du palais, donc une puissance, une famille toute laïque, qui s'était établie par la force, ou en tout cas par la force des choses, sinon par la force directe, il fallait, au fond, lui donner une légitimité supplémentaire, parce qu'il n'était pas sur le moment, les descendants de Clovis, baptisés et prétendument sacrés. Donc le sacre était fait pour les sortir de la société laïque et le placer, ce roi, dans la sphère des évêques, de ceux qui sont consacrés par Dieu. Donc à partir du sacre de Pépin, 753, eh bien les rois ne sont plus tout à fait... Enfin, ils ont un pied sur la terre, ils ont un peu la tête dans le ciel. Ils ne sont plus tout à fait de ce monde, ils sont là pour faire le portier entre ce monde-ci et ce monde de l'au-delà, qui est le seul qui vaille. Et puis un autre point, qui n'est pas très différent du premier, c'est que au IXe siècle, à partir de Charlemagne, on sent une distinction qui s'opère peu à peu, et qui s'accélère au milieu du IXe siècle, une distinction régionale entre les Francs de l'Est et les Francs de l'Ouest, en ce qui devient la Germanie et ce qui est la Francie occidentale. Et du coup, les épiscopats eux-mêmes, les épiscopats qui dépendent de Charles le Chauve, c'est un roi qui m'intéresse, qui est le roi de Francie occidentale, estiment qu'ils sont des héritiers de l'épiscopat gaulois, alors que ceux qui sont à l'Est sont plus francs que les Francs. Et du coup, on voit, et la citation qui a été faite tout à l'heure est adressée par l'archevêque de Reims, Hincmar, au roi Louis Germanique en 859, lorsqu'il a essayé d'usurper le royaume de son frère Charles le Chauve, eh bien on voit un épiscopat gallo-franc qui s'oppose à un épiscopat gallo-germanique. Louis le Germanique est soutenu par ses évêques à lui, sur la rive droite du Rhin, alors que Charles le Chauve est soutenu, et même sauvé, par l'épiscopat de la Francie occidentale. Donc il y a cet équilibre qui fait qu'il y a une sorte de pré-nationalisation, naturalisation de l'épiscopat de l'Ouest, qui fait qu'il est en symbiose avec le roi. Mais quand le roi s'avise de vouloir, le roi de l'Ouest, j'espère que je me fais bien comprendre, s'avise de lorgner sur l'héritage de l'Est, c'est-à-dire quand par exemple Charles le Chauve veut aller à Aix-la-Chapelle parce que c'était chez son grand-père et qu'il doit l'avoir, l'épiscopat de Francie occidentale s'y oppose. Et quand il veut partir en Italie pour se faire sacrer empereur, il y va. Mais l'épiscopat gaulois, gallo-franc, n'est pas du tout d'accord. Et la chute de Charles le Chauve en 877, c'est, disent les évêques, bien fait pour lui, parce qu'il est parti à l'Est et au Sud aller chercher quelque chose qui n'existait qu'entre Saint-Denis, Reims, Auxerre, Dijon, et là où, au fond, la légitimité franque, gallo-franque, est ancrée. À partir de ce moment-là, du troisième tiers du IXe siècle, l'ensemble franc est logé soit en Germanie, soit en Francie occidentale, mais pas les deux à la fois. Avec cette période sidérante du IXe siècle, on le sent, ça pointe sur, pas d'identité nationale, mais les fondements de ce qui va devenir notre identité nationale, ne serait-ce que par l'utilisation de la langue avec le célèbre serment de Strasbourg en 842. Vous voyez, là aussi, on voit bien que dans la manière de gouverner, on sent cette évolution et ce lien peut-être, alors je peux pas dire plus proche au peuple, mais en tout cas différent. Si vous pouvez dire, non pas peuple, parce que c'est une acception plus juridique dans mon esprit, mais population, au pluriel, certainement. Et d'ailleurs, Charles le Chauve le comprend très bien. Il voit, bien qu'il ne soit que l'héritier du tiers de ce que possédait Charlemagne, du tiers occidental, il voit très bien que c'est presque trop grand pour lui. Et Charles le Chauve, on n'a pas fait les calculs, mais si je devais jeter ça à la louche, je dirais qu'il a fait entre 15 000 et 20 000 kilomètres dans son royaume pendant son règne. Il est allé partout. Il est allé à Narbonne, il est allé en Languedoc parce qu'il y avait des seigneurs récalcitrants. Il a fait des expéditions en Aquitaine, qui pour les rois francs sont déjà un peu excentrés de multiples reprises. Il est allé attaquer les Bretons, il est allé vers le nord, vers les Frisons, il a eu affaire aux Normands. C'est quelqu'un qui s'est promené, qui a gouverné par la présence réelle, par la présence physique. Beaucoup plus que son père, Louis le Pieux, qui avait des relais parce que l'ensemble carolingien était encore divisé en 3 ou 4. Mais dans sa grande partie, dans sa partie qui est la partie la plus importante de l'héritage franc, eh bien Charles Chauve se déplace tout le temps, et quand il ne peut pas se déplacer, il envoie des émissaires. On n'a pas cité les Messie Dominici, mais quand on parle des fronds, on est obligé de le faire. Eh bien, il envoie des fondés de pouvoir avec des instructions très précises. Il demande des rapports. Il a convoqué au moins 60 assemblées générales pendant ses 30 ans de règne. Il a rencontré ses frères ou neveux une cinquantaine de fois. Il va sur le terrain, il va partout où il doit se faire voir. Et quand il ne le peut pas, il se fait connaître à la fois par les écrits, aussi par la propagande, comment dirais-je, par l'image. Nous avons des portraits, on n'en a gardé que 5, plus sa monnaie à lui, ça fait 6. Des portraits de Charlemagne, de Charles le Chauve, excusez-moi, dont on peut penser qu'il y a un effet de réel, que ce n'est pas simplement une image idéologique, comme mettaient tous les portraits de tous les rois, qui étaient représentés à l'image de Constantin, ou du supposé du Christ, ou de l'idée qu'on s'en fait, ou de Saint Jérôme. On a des portraits de Charles le Chauve, commandés par lui, et on voit que le plus récent, il est un peu plus jeune, que le plus tardif, il a de la barbe blanche, et on se dit, comme ça a été fait sur pièce, que ça a été fait sur le modèle. Or, c'est une rareté extrême. Nous n'aurons pas de portraits royaux avant le roi Charles V. Et donc, par cette propagande-là, Charles le Chauve, que j'aime beaucoup, bon, enfin, autant qu'on peut aimer un roi franc, avait le génie de la propagande. Et il a utilisé tout ce qu'il pouvait pour montrer qu'il était là, et bien là. Alors, pour bien comprendre tous ces points capillaires, Laurent Tess, je rappelle, hein, vous nous avez bien dit que les Mérovingiens avaient besoin d'une